Jean-Luc Mongrain a déjà demandé à la télé pourquoi les jeunes étaient aussi agressifs, aussi violents. Eh bien, Jean-Luc, comme tu n'avais pas de jeunes stressés sur ton show, et puis aujourd'hui sur 69.3 FM, il y en a plein, on va t'offrir un petit témoignage de quelqu'un qui sait c'est quoi le stress, pour t'aider un petit peu à comprendre, quoi, parce que tu n'as pas l'air de réaliser que quand tu n'as rien, tu n'as personne autour, tu n'as pas d'amour qui t'approche, tu n'as pas une scène dans tes poches. Le stress est beaucoup plus fort que quand tu as une émission de TV et tu fais une couple de millions par année.